Attention, mise en garde contre la propagande insidieuse en faveur du vaccin COVID-19. Bien que quasiment depuis le début de la crise du coronavirus, les politiciens et les principaux médias aient présenté les vaccins comme le véritable remède et le seul moyen de revenir à la normale, des évaluations très différentes, voire des mises en garde contre les vaccins COVID-19, qui ont été mises au point beaucoup trop rapidement, sont de plus en plus souvent entendues dans les cercles d'experts de haut niveau. Les chercheurs de la Karen Fielding School of Public Health de l'Université de Californie à Los Angeles ont interrogé les professionnels de la santé travaillant à Los Angeles et sa périphérie. Comme l'a rapporté le Washington Post, ils ont découvert que 66,5%, soit deux tiers du personnel de santé, je cite, ont l'intention de retarder la vaccination. En clair, cela signifie qu'ils n'ont pas l'intention d'administrer le vaccin COVID-19 dès qu'il sera disponible. Au lieu de cela, ils prévoient d'examiner les données de manière critique. Ils ont cité le développement accéléré des vaccins comme étant la principale raison de leurs préoccupations. En général, il faut 8 à 10 ans pour mettre au point un vaccin. Le délai pour un vaccin contre les coronavirus est de 18 mois, ont-ils déclaré. Les experts disent que c'est risqué, a déclaré le docteur Emily Herbelding, experte en maladies infectieuses à l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, à la chaîne de télévision CNN. Les leaders dans le domaine des vaccins contre les coronavirus, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, devraient lancer leurs produits en janvier 2021. Les géants pharmaceutiques ont extrêmement réduit le calendrier moyen de sécurité et d'examen pour le développement et la production de vaccins. Le docteur Emily Herbelding a reconnu que l'accélération du rythme implique de ne pas regarder toutes les données. Susan Bailey, présidente de l'Association médicale américaine, a déclaré dans une vidéo que le nombre de médecins exprimant des hésitations en raison des lacunes en matière de sécurité était désormais sans précédent. Selon le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination, un groupe d'experts médicaux qui conseille les centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, l'équivalent américain de l'Institut Robert Koch en Allemagne, les effets secondaires douloureux et nocifs du vaccin COVID-19 ont été mis en évidence sur la base de tests effectués sur des humains. Selon la chaîne CNBC, le Dr Sandra Fryhofer a déclaré aux responsables du CDC le 23 novembre que les patients doivent être conscients que les effets secondaires des vaccins COVID-19 développés par Pfizer et Moderna ne sont pas une promenade de santé. À ce sujet, un participant aux essais du vaccin Moderna a déclaré « Je n'ai jamais été aussi malade ». Cette incertitude chez les experts se reflète bien sûr aussi de plus en plus dans la population. Un sondage réalisé en octobre 2020 par la société de sondage international Zogby a révélé que près de 50% des Américains s'inquiètent de la sécurité des vaccins COVID-19 à venir. Un nouveau projet de sondage conjoint de l'Association nationale pour la défense des droits des personnes de couleur et l'entreprise d'analyse Langer Research a révélé que les personnes de couleur et les latinos en particulier sont extrêmement préoccupées par le prochain vaccin contre le coronavirus. Et l'OMS, les politiciens et les principaux médias réagissent-ils maintenant avec compréhension à ce sentiment mitigé sur le vaccin COVID-19? Loin de là. Au lieu de cela, des techniques psychologiques douteuses sont utilisées. Par exemple, l'OMS a publiquement qualifié la réticence à l'égard des vaccins de plus grande menace pour la santé publique mondiale. Elle a engagé sans cérémonie la société de relations publiques Hill & Knowlton pour promouvoir l'image de l'organisation en tant qu'agence compétente face au coronavirus par le biais d'acteurs influents des médias sociaux afin de s'assurer que les conseils et les instructions de l'OMS soient suivis. Cass Sunstein, président du groupe consultatif technique de l'OMS sur les connaissances comportementales, a récemment écrit un article dans le média américain Bloomberg prônant l'utilisation de célébrités, d'athlètes et d'acteurs populaires comme moyen de persuasion pour les personnes qui manquent de confiance dans le vaccin. La proposition de M. Sunstein est que des politiciens, des athlètes ou des acteurs de confiance qui sont supposés être l'un d'entre nous, et non l'un d'entre eux, pourraient explicitement approuver la vaccination et déclarer qu'ils ont eux-mêmes reçu le vaccin. Et puis, il y a aussi le guide de la communication sur les vaccins COVID-19 développé par l'Université de Floride et les Nations Unies. Il est destiné à aider les gouvernements à améliorer l'acceptation par le public des vaccins COVID-19. Avec des mises en garde lancées par des experts de renom, il semble aujourd'hui que le premier devoir des citoyens soit de mettre en garde avec insistance contre cette propagande insidieuse en faveur du vaccin COVID-19. Propagande à laquelle l'OMS, en association avec les gouvernements et les principaux médias, s'est engagée et à laquelle on peut faire face, par exemple, en diffusant cette émission afin de limiter autant que possible le nombre de victimes des dommages causés par le vaccin.